بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui le dimanche 8 ذو الحجة 1442 de l'Hégire, correspondant au 18 juillet 2021. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble l'étude de Durus al-Muhimma de Sheikh al-Allama Abdelaziz bin Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 1420. Avant d'entamer ce cours, j'aimerais faire un bref rappel que j'espère qu'il me soit bénéfique à moi ainsi qu'à mes frères concernant la journée de demain, la journée de Arafat. Comme vous savez, Arafat, dans un des avis des hommes de science, c'est le meilleur jour de l'année. C'est le meilleur jour de l'année. Et quand tu lis l'ahadith, les nombreux ahadith qui sont rapportés par rapport au mérite de ce jour-là, tu ne t'étonnes pas de cet avis. Quand bien même l'avis le plus fort, les deux sont des avis très très forts. Je disais quand bien même l'avis le plus fort, c'est que le meilleur jour de l'année, c'est le jour 10. Le jour de l'Eid, Eid al-Adha, dans lequel se déroule la majorité des rituels du pèlerinage. Cependant, le jour de Arafat est un jour extrêmement méritoire. Et parmi les meilleures adorations qui sont légiférés dans le jour de Arafat, le jeûne de ce jour. Et comme j'ai dit précédemment, ce que je recommande à mes frères, en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de jeûner demain. Demain, le lundi, qui sera le jour de Arafat à Mecca. Le jour dans lequel seront les pèlerins dans Arafat. Je leur recommande de jeûner cette journée. Quand bien même le jour de Arafat dans leur pays ne sera que le mardi. Car de toute manière, il est fortement recommandé de multiplier les bonnes œuvres pendant cette période, les 10 premiers jours de Dhul Hijja, et en particulier le jeûne, de toute façon. Et comme vous savez, la divergence par rapport à ce point est basée sur la divergence d'un autre point que les savants appellent « ikhtilaf al-matali'a » qui se résume en le fait, est-ce que l'observation de la lune dans un endroit ou dans une région, est-ce que yani ça rend obligatoire le jeûne pour toute la communauté ou chaque pays, chaque région à son propre observation. La position du gouverneur musulman met fin à cette divergence. Quand le gouverneur musulman décide de jeûner un jour, cette divergence n'a plus lieu dans la pratique. Elle reste dans la théorie. Yani, son étude et la discussion à son sujet dans le cadre de l'apprentissage. Mais dans la pratique, dans le pays où tu es, quand il décide que c'est demain le premier jour de Ramadan, tu dois jeûner avec ton pays. Et ça, c'est la règle de base. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est la règle de base. Et ça nous suffit, à notre niveau, de connaître les règles de base et de se limiter à ces règles de base. Et de savoir que tu ne peux déroger à ces règles de base qu'avec des fatwas des hommes de science, des savants. Donc, cette question de Arafat est basée sur ce même point. Ikhtilaf al-mata'li'. Avec la différence entre Arafat et Ramadan, comme j'ai cité précédemment, c'est que Arafat, son jeûne est surrogatoire. Son jeûne se pratique d'une manière individuelle. Arafat est lié à un endroit, et non seulement à un temps. Contrairement à Ramadan, qui concerne la Ummah, et qui concerne tout le pays, et c'est un jeûne obligatoire, et qui n'est pas lié à un endroit. Il est lié seulement à un temps. C'est pour ça, même des savants qui voient Ikhtilaf al-Mata'li', ils recommandent de jeûner Arafat avec les pèlerins qui sont à Mecca. Donc, l'Eid, l'Eid ici en Arabie Saoudite, ça sera le mardi. Dans d'autres pays, le mercredi. Donc l'Eid, tu le pratiques avec le pays dans lequel tu es. Et tu peux jeûner, en plus de jeûner le jour de Arafat dans ton pays, tu peux jeûner le jour de Arafat correspondant au jour à Mecca. Arafat à Mecca en Arabie Saoudite. Comme ça, yani, dans ce point, il y a trois avis. Il y a trois avis. Yani, jeûner uniquement avec ton pays, jeûner avec Mecca uniquement, et ce n'est pas permis de jeûner le lendemain de Arafat à Mecca, car c'est le jour de l'Eid. Et le troisième avis, on prend en considération la détermination dans le pays dans lequel tu es. Mais par précaution, et comme il est légiféré de toute manière de multiplier le jeûne dans ces jours-là, donc tu jeûnes le 8 dans ton pays, qui correspondra au 9 à Mecca, et tu jeûneras le 9 dans ton pays également. Et tu n'auras pas jeûné le jour de l'Eid, car le jour de l'Eid, pour toi, c'est le mercredi. Voilà un détail qui a été demandé par certains frères par rapport à cette question. Donc, selon ta conviction, selon la chose par laquelle t'es convaincu, mais ce que je te recommande de toute façon, c'est de jeûner avec les pèlerins. Yani le jour où les pèlerins seront à Arafat. Et bien évidemment, pour les pèlerins, il n'est pas une sunna pour eux de jeûner à Arafat. C'est pas une sunna de jeûner à Arafat. Mais c'est pour ceux qui ne font pas le pèlerinage. Donc par rapport à ce jour de Arafat, le Nabi عليه الصلاة والسلام dit « خير الدعاء دعاء يوم عرفة » La meilleure des invocations, c'est l'invocation dans le jour de Arafat. Et la meilleure invocation que j'ai dit moi ainsi que tous les prophètes avant moi, « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir » Ça, c'est la meilleure invocation que tu puisses dire dans ce jour-là. Et ça ne veut pas dire que c'est obligatoire pour toi de te limiter à ce dua. Mais fasse en sorte que ce soit la chose que tu dises le plus. Car la meilleure chose que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a pu dire dans ce jour de Arafat, et lui également, les prophètes d'avant lui, c'est cette invocation. Et cette invocation, bien évidemment, c'est at-tawhid. C'est at-tawhid. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et on a parlé plusieurs fois de cette invocation, cette dua, cette invocation ou cette évocation, ce dhikr, et de son sens. Également pendant ce jour-là, le jour de Arafah, comme c'est rapporté dans le hadith Aisha radiallahu anha, dans l'authentique de l'imam muslim, le Nabi Aïssa sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi abdan min an-nar min yawmi Arafah » Il n'y a pas un jour dans lequel Allah affranchit autant de serviteurs du feu comme le jour de Arafah. Le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ya'tiq al-ibada min an-nar, il a franchi les serviteurs de l'enfer, le jour où il a franchi le plus, c'est le jour de Arafah. Donc, c'est un jour extrêmement important, il faut connaître sa valeur et son rang par rapport aux autres jours de l'année et saisir cette opportunité, si Allah nous permet de vivre et de profiter de ce jour, et lui demander qu'on soit parmi les affranchis, parmi ces affranchis du feu de l'enfer. Nabi alayhi salam dit également dans un hadith qui a été authentifié par l'Allama al-Albani rahimahullah, hadith Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام عيدنا أهل الإسلام عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. Donc le Nabi alayhi salam dit le jour de Arafah est le jour du sacrifice, le jour de Arafah, le jour 9 de l'Hijja, le jour de Nahr, du sacrifice, c'est le jour 10. Wa ayyam at-tashriq, les trois jours de Tashriq, le 11, le 12, le 13. Il dit de ces cinq jours, Eidona, ce sont des jours de fête pour nous les gens de l'islam. Et ce sont des jours dans lesquels on mange et on boit. Donc comme on adore Allah avec le jeûne, on l'adore en mangeant ce qu'il nous a autorisé et de montrer la joie dans les jours où il nous a légiféré cela, notamment ces cinq jours-là, les cinq jours qui sont cités dans ce hadith authentique, le jour de Arafah, le jour de Nahr, et les trois jours de Tashriq. Et comme vous savez, immoler la bête, c'est une sunna dans le premier jour, le jour de l'Eid, le jour 10. Mais c'est autorisé dans le reste des jours de Tashriq. C'est autorisé dans le reste des jours de Tashriq. Mais il ne faut pas retarder sans une excuse valable. Le mieux, c'est d'être en accord avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Je termine par un hadith mursal, selon Talha ibn Ubaidillah ibn Kariz, rahimahullah, rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik. Il a dit que jamais الشيطان, ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه يوم عرفة. Jamais الشيطان n'a été vu dans un jour dans lequel il est plus petit et plus méprisé et plus humilié et plus éloigné et plus en colère et en rage comme il a été vu dans le jour de Arafah. Et ceci à cause de ce qu'il voit dans ce jour-là, l'affranchissement des serviteurs du feu de l'enfer, la miséricorde d'Allah qui descend, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala des grands péchés à ses serviteurs. Il a dit excepté le jour de Badr. Donc Shaitan, d'une manière absolue, il n'a pas été vu plus éloigné et plus méprisé et plus rabaissé et plus petit et plus en colère et en rage comme il est vu dans le jour de Arafat, sauf le jour de Badr, où il a été dans un état pire que celui-là dans le jour de Arafat. Ils ont dit pourquoi il a dit, alayhi salatu wassalam, ce hadith il est mursal. Vous savez que le hadith le mursal, c'est parmi les catégories de l'hadith al-da'ifa, faible. Ça a été rapporté dans le muwatta de l'imam Malik. Donc, Ali, j'ai pas pu regarder est-ce que l'imam Ibn Abd al-Barr, comme vous savez, tout ce qui a été rapporté mursal ou balagh dans le muwatta de l'imam Malik, l'imam Ibn Abd al-Barr lui a trouvé des chaînes authentiques. Parce que l'imam Malik, il voyait pas de mal en le balagat et en le marasil de certains tabi'in. Et qu'il les considérait comme authentiques. L'imam Ibn Abd al-Barr a confirmé cela dans tous les marasil et tous les balagat de le muwatta, excepté 4. 4, il n'a pas pu trouver des chaînes de transmission authentiques. Et ça, ça vous démontre que ce livre, qui était considéré le livre le plus authentique après le livre d'Allah, avant l'œuvre de l'imam al-Bukhari, avant son authentique, il a été considéré le livre le plus authentique. Et la plupart de hadith dans le Bukhari et dans le Muslim, yani beaucoup de hadith, ils passent par l'imam Malik dans leur chaîne de transmission. L'imam Malik, il a des hadiths dans lesquels il y a deux hommes entre lui et le prophète, alayhi salatu wassalam. On les appelle al-thunaiyat. L'imam al-Bukhari, la chaîne de transmission la plus courte qu'il a dans son authentique, c'est des chaînes de trois. Trois hommes, on les appelle al-thulafiyat. Trois hommes entre lui et le prophète, alayhi salatu wassalam. Et l'imam Malik, thunaiyat, sont très nombreux. Dans l'authentique de l'imam Bukhari, je ne me rappelle pas le nombre de thulathiyat, mais c'est un petit nombre. Donc, excepté le jour de Badr, la grande bataille de Badr, le jour du discernement, de la distinction entre le vrai et le faux, entre la foi et la mécréance, entre l'unicité al-tawhid ou al-shirk. Excepté ce jour-là, ils ont dit au prophète, alayhi salam, pourquoi, qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit, il a vu Jibril, alayhi salam, qui alignait et qui organisait les rangs des anges et qui les préparait pour le combat. Excepté ce jour-là, Shaitan n'a jamais été vu comme on a dit dans ce hadith. Donc on commence, bi'idhnillahi ta'ala, la septième leçon de cette risala très bénéfique et très profitable et très accessible. Ad-dars as-sabi', arkan al-islam, arkan as-salat, arkan as-salat, la septième leçon, les piliers de la salat. Les piliers de la salat, arkan as-salati, wa hiya 14, qui sont au nombre de 14. Comme vous savez, il y a des divergences entre le madhahib, les quatre écoles de jurisprudence, sur le nombre de l'arkan. Il y a des arkan sur lesquels ils sont tous d'accord. Dans le madhab al-maliki, ce qui est connu, c'est que les piliers de la salat sont au nombre de 10. Après, il y a des savants maliki qui citent 12, 13, 14. Et dans le madhab al-hanbali, c'est ce que Cheikh Abdelaziz Ibn Baz a cité ici, c'est 14. Ça, c'est le madhab al-hanbali. Comme c'est rapporté dans Raud al-Murbi'a. Et dans d'autres livres de Al-Madhab Al-Hanbali. 14. Chez l'Hanafiya, le madhab l'Hanafi, les piliers de la salat sont au nombre de 6. Et ces 6-là, tous les savants sont d'accord là-dessus. Shafi'iya, il y en a qui citent 12, il y en a qui citent jusqu'à 18. Et vous allez comprendre pourquoi cette divergence. Parce qu'il y en a qui vont yani, faire de deux piliers de ce qu'on va voir, un seul, comme le Malikiya. Le Malikiya, il se rapproche beaucoup de ce madhab. Il y a certaines choses qui ne font pas rentrer dans les piliers. Et le Malikiya, ils font, yani, ils comptent l'intention parmi les piliers de la salat. L'intention pour eux fait partie des piliers de la salat. Et non pas, comme on a vu, des conditions de la salat, des conditions de validité. Et ce qui est juste, c'est que l'intention, c'est une condition de validité. Et non pas un pilier. Car le pilier d'une adoration, il fait partie de l'adoration. Il fait partie de l'adoration elle-même. Contrairement à la condition qui est une chose externe à l'adoration. Qui est une chose externe à l'adoration. Qui la précède. Donc les conditions d'une adoration, ce sont des choses qui ne font pas partie de l'adoration elle-même, mais qui la précèdent. Et les piliers font partie de l'adoration elle-même. Donc pour l'Malikiya, l'intention, elle fait partie de la salat. Parce que pour eux, il faut que tu aies l'intention au même moment où tu prononces takbirat al-ihram. Ils disent, il faut la voir à ce moment-là. Donc pour eux, c'est comme si elle fait partie de salat. Mais ce qui est juste, comme on a vu quand on a parlé des conditions, c'est que l'intention, elle peut précéder salat. Et l'intention, c'est quelque chose dans le cœur. Et c'est difficile de faire un acte sans avoir une intention. C'est pour ça la règle de base, c'est que t'as l'intention. Et ça ferme la porte au waswas. Les frères qui se posent la question, je sais pas si j'ai eu l'intention ou pas, tu l'as eu. Du moment que t'es pas sûr que tu n'as pas eu l'intention, et ça c'est difficile à s'imaginer, du moment que t'es pas sûr, c'est que t'as eu l'intention. Et les seuls cas où t'auras besoin d'avoir l'intention et d'y penser, c'est quand t'as deux adorations qui se rassemblent. Deux adorations qui se rassemblent, tu dois les distinguer l'une de l'autre, comme Dhuhr et l'Asr. Quelqu'un qui n'a pas prié Dhuhr, il arrive à la mosquée, ils sont en train de prier l'Asr. Il faut qu'il ait l'intention de prier Dhuhr. S'il veut prier Dhuhr, il y a d'autres solutions. Moi, je vous cite juste la solution qui nous permet de comprendre ce qu'on veut comprendre. Donc, l'intention, c'est une condition de validité de la salat et non pas un pilier. Si on prend l'Ahnaf, il considère que takbirat al-ihram est une condition. Il considère que takbirat al-ihram est une condition et non pas un pilier. Pourquoi? Parce que pour eux, salat, elle commence après que tu aies dit takbirat al-ihram. Tu dis Allahu Akbar, après la salat commence. Et non pas la salat, elle commence avec takbirat al-ihram. Et ça également, ça c'est faux. L'anna ça, yani, c'est contraire à ce qui est cité dans le hadith. Nabi alayhi sallam a dit tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ce qui rend tout interdit dans salat de dunya, c'est takbir. C'est-à-dire avec takbir, tu rentres dans la salat. et ce qui rend les choses de dunya autorisées, c'est at-taslim. Dès que tu dis salam, tu peux parler, tu peux manger, tu peux boire, tu peux faire les choses de dunya. Mais entre takbir et taslim, tu ne dois pas faire autre chose que ce qui est légiféré dans la salat. C'est ça le sens. Donc, Al-Arkan, Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, dit Al-Qiyamu ma'a al-Qudra, wa takbiratu al-Ihram, wa qira'atu al-Fatiha, wa al-Ruku'. Donc, la station debout pour celui qui en a la capacité, pour celui qui en est capable. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, takbiratu al-Ihram. At-takbira de sacralisation. Yani, quand tu dis Allahu Akbar, la première avec laquelle tu commences ta salat. Donc ça, c'est un pilier, car ça fait partie de l'adoration. Donc le pilier et la condition ont le même jugement. S'il te manque un pilier ou une condition dans ta salat, la salat est invalide. Que ce soit volontairement ou involontairement, par oubli, par erreur, par distraction, peu importe. Il te manque une condition ou un pilier, la salat est invalide. Ça, c'est pour les piliers et les conditions d'une manière générale. On a vu que yani, la seule exception, c'est par rapport à Najasa. Najasa, si tu la retires pas de ton vêtement ou de ton corps ou de l'endroit sur lequel tu pries par oubli, c'est excusé. Salat est valide. C'est la seule exception. Mais sinon, tous les piliers les conditions, elles ont ce même jugement. C'est que la salat n'est valide que quand tu réunis toutes les conditions et tous les piliers de la salat. À la différence que le pilier fait partie de l'adoration et la condition la précède. Elle est externe à l'adoration. Donc pour Al-Madhab Al-Hanbali, les piliers sont au nombre de 14. Et je vais, yani comme la plupart de ceux qui suivent, c'est des Maghrébins, je vais vous citer juste les points qu'ont le Malikiya et non pas le Hanabila. Yani pour que vous sachiez dans vos pays d'origine qui suivent le madhab al-maliki, il n'y a pas de mal pour un ami de suivre un madhab, le madhab de son pays, qui est propagé dans son pays. Il n'y a pas de mal en cela. Mais le mal, c'est de faire preuve de fanatisme pour un madhab et de croire que la vérité, toute la vérité, est limitée à ce madhab. Ou de croire qu'il est obligatoire de suivre un madhab. Et ça, nous allons le détailler, inshallah, quand on fera manhaj al-salikin. Inshallah, qu'Allah nous le facilite. Il nous accorde la bonne intention dans ce travail. Donc, le premier pilier, al-qiyamu ma'a al-qudra. C'est une obligation dans la salat, c'est un pilier même. C'est un pilier d'être debout pour celui qui est capable dans la salat. Et la salat n'est valide qu'avec cela. Et ce qui est voulu par la salat, c'est la salat obligatoire. Car le Nabi a dit dans le hadith Imran ibn al-Husayn, il a dit « Salli qa'ima, fa il lam tastati' fa qa'ida ». Il a dit, prie en étant debout. Et si tu ne peux pas, prie assis. Et si tu ne peux pas, alors allongé. Donc celui qui peut être debout, sa salat n'est valide, sa salat obligatoire. Car la salat surrogatoire, même s'il est capable d'être debout, il peut prier assis. Et sa récompense est la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Celui qui peut prier debout et qui prie assis dans une salat surrogatoire, sa salat est valide. Mais la récompense, c'est la moitié. Sauf pour celui qui a une excuse valable. Celui qui a une excuse valable, il ne peut pas être debout. Alors même en priant assis, il aura la récompense complète par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui peut être debout et qui prie assis dans la prière surrogatoire, il aura la moitié de la récompense de la salat et non pas la totalité comme celui qui prie debout. Il aura la moitié de sa récompense. Tayyib. Donc, le Nabi alayhi salam, il ordonne de prier debout. Et uniquement celui qui ne peut pas, il peut prier assis. Donc celui qui peut prier assis, sa salat est invalide s'il prie allongé. Il doit prier assis. Et ça, c'est quelque chose de très important, mes frères, que je vous recommande d'enseigner aux gens, surtout les personnes âgées, car il y a beaucoup d'ignorance par rapport à ce point que je vais citer. La personne qui est excusée dans un pilier n'est pas excusée dans le reste. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quelqu'un ne peut pas être debout dans salat. Il est malade, il est âgé, en tout cas il ne peut pas être debout. Ce pilier saute pour lui. Mais ce n'est pas parce qu'il ne peut pas être debout qu'il ne va pas faire rukou' ni sujoud s'il est capable. Car il y a des gens qui ne peuvent pas être debout mais qui peuvent faire rukou'. Il peut faire sujoud. Donc si jamais il ne fait pas rukou', il ne fait pas sujoud sous prétexte qu'il ne peut pas prier debout, donc il va se limiter à baisser sa tête, à faire rukou' uniquement avec la tête et sujoud également, sa salat est invalide. Sa salat est invalide. T'es excusé dans la salat pour les choses que tu ne peux pas faire seulement. Mais c'est pas parce que t'es excusé dans un pilier que t'es excusé dans le reste. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Ou des gens qui peuvent être debout. Il n'a pas de problème à être debout. Mais il ne peut pas faire rukou' et sujoud. Donc il vient, il ramène sa chaise et il commence sa salat assis sur la chaise. Ça, c'est une salat invalide. On parle de l'hukm. Après, est-ce qu'il est excusé ou pas, c'est une autre affaire. Mais le hukm, c'est que c'est une salat dans laquelle il manque un pilier. Il peut être debout, il doit être debout. Il commence salat debout, et quand il faut faire rukou et sujoud, il doit s'asseoir, ou le hadith. Moi, en tout cas, le principe, c'est ça. T'es excusé dans les choses que tu ne peux pas faire seulement. Et celui qui délaisse un pilier de la salat, par oubli, par erreur, par distraction, volontairement, involontairement, il n'est pas excusé. Et le pilier, on ne peut pas y remédier avec les deux prosternations de distraction. Sujud sahou ne permet pas de compenser les piliers. Sujud sahou permet de compenser les obligations dans la salat et les sunan. Les choses surrogatoires seulement. Mais le pilier, tu dois le faire. Sinon, salat est invalide. Et ça, c'est par rapport à la salat qui est en cours. Quelqu'un, on vient, on constate qu'il lui manque un pilier dans salat al-dhuhr. Et que depuis qu'il est entré dans l'islam, depuis qu'il a commencé salat, il prie de cette manière. On lui dit, tu recommences la salat qui est en cours, c'est-à-dire la salat de dhuhr, et pour le reste, t'es excusé. Comme le Nabi alayhi salam a dit à l'homme qui a prié devant lui et qui manquait de quiétude dans sa salat. Il n'avait pas de tuma'nina. Hadith, il est très connu. On va le voir. Hadith al-musi' salatihi. il manquait de quiétude dans Salat, Nabi alayhi sallam, à chaque fois il termine, il lui dit, va, prie, car tu n'as pas prié. Donc il a appelé cette Salat que cet homme a fait, comme s'il n'a pas prié. C'est une Salat invalide. Il lui manquait un pilier. At-tuma'nina. Mais il ne lui a pas ordonné de rattraper les salats depuis qu'il est dans l'islam. Il doit rattraper uniquement salat dans son temps. Le deuxième pilier que Cheikh Rahimallah a cité, takbiratul ihram, la formule de sacralisation. La formule de sacralisation est un pilier pour la plupart des savants. Yani, excepté le Hanafiya, comme j'ai dit, qui voit que c'est une condition. Mais au niveau de son obligation, et que la salat est invalide sans takbir al-ihram, tous les savants disent qu'elle est obligatoire, takbir al-ihram. Excepté le Hanafiya, qui voit qu'elle est une condition. Quelqu'un peut dire quelle est la différence entre voir que c'est une condition ou un pilier. Yani, car pour les deux, s'il ne fait pas de takbir al-ihram, salat est invalide. Non, il y a des choses yani, qui vont varier par rapport à la vie que tu prends. La vie juste, comme je vous ai dit, c'est que takbir al-ihram est un pilier. Mais pour le Hanafi, si quelqu'un il porte une najasa dans sa main, et il dit « Allahu Akbar ». Il la porte volontairement. Il dit « Allahu Akbar ». Et ensuite, il pose la najasa. Il continue sa salat. Pour le Hanafi, il dit que sa salat est valide. Pour les autres savants, ils disent que sa salat est invalide. Car il l'a commencé en ayant une najasa. Eux, pour eux, il ne l'a pas commencé en ayant une najasa. Il s'est débarrassé de najasa avant de commencer sa salat. Car « Takbirat Ihram » ça ne fait pas partie de salat chez eux. Également, il y a d'autres questions yani, qui sont liées à cette divergence. Si yani, il commence une salat, il commence salat al-dhur. Il commence salat al-dhur, il dit Allahu Akbar. Son intention, c'est salat al-dhur. Et ensuite, avant de commencer le qira'a, il change l'intention. Il la change en une salat surrogatoire. Il la change en une salat surrogatoire. Donc surrogatoire, ça c'est, il n'y a pas de mal pour tous les savants, pour tous les savants. Mais c'est le cas inverse qui pose problème. Il commence une salat nafila. Il dit Allahu Akbar, son intention c'est une nafila. Et avant de commencer la récitation, il se rappelle qu'il n'a pas prié le dhuhr. Il transforme sa salat nafila en salat dhuhr. Ça, bien évidemment, pour la plupart des savants, c'est pas valide. Car tu dois avoir l'intention avant takbira al-ihram. Mais pour le Hanafi, il n'y a pas de mal en cela. Salat est valide. Car il a changé l'intention avant de commencer salat. Parce que pour lui, salat, elle ne commence pas avec takbir al-ihram. Mais ça, c'est un avis faible. C'est juste pour vous montrer que yani, souvent les divergences sont basées sur d'autres divergences. Et takbir al-ihram, c'est de dire Allahu Akbar. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont pratiquer dans cette formule quand les gens ils la disent. Il y en a qui disent Allahu Akbar. Ça, si la personne elle comprend ce qu'elle dit, c'est une mécréance. C'est comme s'il posait la question, est-ce que Allah est Akbar? Allahu Akbar? Non. Il y en a qui disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça aussi c'est une erreur. Et le sens, c'est une mécréance pour celui qui le dit volontairement, qui comprend. Yani, il décrit Allah. Yani, Akbar, c'est comme un tambour. C'est comme s'il décrivait Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière. Donc il faut la dire correctement. Il faut dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et c'est la seule formule qui est valide pour Takbirat l'Ihram. Car le Nabi alayhi salam, dans toutes ses salawats, il n'a jamais utilisé une autre formule que Allahu Akbar. Et ses compagnons radiallahu anhum également. Les califs bien guidés, les compagnons tous après lui. Et ce n'est pas permis d'utiliser une autre formule que Allahu Akbar. Par exemple, si quelqu'un dit Allahu Kabir, ou il dit Allahu Akbar, c'est le même sens. Dans le madhab Shafi'i, il voit que c'est valide, car c'est le même sens. Et le Hanafiya, c'est encore pire. Il voit que tu peux utiliser n'importe quelle formule dans laquelle on vénère Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu peux dire Allahu al-Ajal, Allahu al-A'zam. Mais ce qui est juste, c'est que la seule formule valide, c'est Allahu Akbar. Et ce n'est pas autorisé de commencer salat avec autre chose, de la dire en langue arabe, Allahu Akbar, et de la prononcer correctement. Et si c'était permis de dire autre chose, Nabi alayhi salam l'aurait fait ne serait-ce qu'une seule fois, ou ses compagnons. Vous savez que certains compagnons n'ont pas fait le sacrifice de l'Eid pour montrer aux gens que c'est pas une obligation. Il y en a, si c'est une obligation, même les gens, surtout à l'époque, il y a la pauvreté, et les gens, ils sont dans un grand besoin, et ils se chargent au-dessus de leur capacité pour acheter un mouton, yani, c'était pour leur montrer que c'est pas une obligation. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Il y a des savants qui voient que c'est obligatoire pour celui qui en a les capacités. Mais tous les savants voient que c'est un mal pour une personne ayant les capacités de ne pas faire le sacrifice de l'Eid. Yani, il passe à côté d'un immense bien et il loupe la meilleure adoration dans la meilleure journée de l'année. Donc on a vu que Takbir al-Ihram, c'est Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et ce n'est pas autorisé de dire autre chose à la place. Même si ça a le même sens, comme on dit Shafi'iyya, ou ça donne la vénération d'Allah. Non. Nabi alayhi salam a toujours dit la même chose. Comme j'ai commencé de dire que Sahaba, des fois, pour montrer qu'une chose n'est pas obligatoire, il l'a délaissée. Pas en voulant délaisser l'adoration, mais pour cette sagesse et par miséricorde à la Umma. Comme il est rapporté de l'imam Malik qu'il ne jeûnait pas les 6 jours de Shawwal après Ramadan pour que les gens ne croient pas que c'est une obligation. Il voyait qu'il n'y a pas de mal à les jeûner à n'importe quel moment après Ramadan. Même après le mois de Shawwal. Mais cet avis est rejeté par les savants. Car le jeûne pendant Shawwal est comme la prière surrogatoire, liée à la prière obligatoire, comme Ratiba. Et jeûner dans Dhul-Hijja, ou dans Muharram, ou dans... ça c'est un jeûne surrogatoire absolu. C'est comme quelqu'un qui se lève pour prier 2 rak'at pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la même récompense que quelqu'un qui prie Ratiba d'Dhur, الراتبة المغرب et ainsi de suite. Et c'est pour ça, celui qui jeûne Ramadan avec 6 jours de Shawwal, il aura la récompense de quelqu'un qui a jeûné une année un jeûne obligatoire. C'est ça la différence. Le troisième pilier, qira'at al-Fatiha, la récitation de l'Fatiha. La récitation de l'Fatiha, comme le Nabi عليه الصلاة والسلام a dit, la salat liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Hadith Ubad ibn Samit, radiyallahu anhu, rapporté dans les 2 authentiques. Il n'y a pas de salat pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, al-Fatiha. Sa salat est invalide, caduque. Donc celui qui ne récite pas al-Fatiha, Et le Fatiha, il faut la réciter avec tous ces versets, avec tous ces mots, avec toutes ces lettres, ces harakat, une récitation correcte. Donc celui qui ne récite pas le Fatiha, sa salat est invalide. Et ça, c'est pour l'imam et celui qui prie seul. Celui qui est ma'moum, qui prie derrière un imam, il y a une divergence entre les savants. Et la vue juste, wallahu a'lam, c'est que c'est pas une obligation pour lui de réciter le Fatiha. Et sunnah pour lui, c'est d'écouter la récitation de l'imam. Car la récitation de son imam est une récitation pour lui, quand il écoute. Et ça, c'est dans les prières à haute voix. Dans la prière à basse voix, il récite le Fatiha, même le ma'moum. Et parmi les preuves, c'est que celui qui arrive en retard et qui trouve l'imam dans le recours, il le rejoint dans le recours. Et on va voir comment il le rejoint dans le recours. En tout cas, il le rejoint dans le recours. Cette raka'a est comptabilisée pour lui, comme bien même il n'a pas récité le Fatiha. C'est pour ça le ma'moum et le masbouq, le retardataire qui est un ma'moum, il ne leur est pas demandé de réciter le Fatiha, mais d'écouter la récitation de l'imam. Maintenant, si tu es derrière un imam qui récite le Fatiha et qui laisse un temps pour la récitation de l'ma'moumine, il n'y a pas de mal à ce que tu la récites. Mais est-ce qu'il y a un dalil que le prophète alayhi sallam laissait un temps pour que les gens récitent le Fatiha derrière lui? Non. Quand est-ce que les gens ils la récitaient alors? Pendant sa récitation? Est-ce qu'on écoute la récitation du prophète alayhi sallam ou chacun il récite seul? Donc vous voyez qu'il y a des contradictions dans la vie qui dit que même celui derrière l'imam il doit réciter le Fatiha. Là, s'il a la possibilité de la réciter, tout en écoutant la récitation de l'imam, il n'y a pas de mal, inshallah. Mais sa salat est valide, comme bien même, il ne la récite pas, et il se limite à écouter l'imam. Comme il l'écoute dans surah, il l'écoute dans le Fatiha. Et ça, c'est le meilleur, wallahu a'lam. Donc, le masbouq, la plupart des savants disent qu'il est excusé, qu'il n'a pas à réciter le Fatiha s'il ne peut pas. Il rejoint le prophète alayhi sallam dans le recours. Comme dans le hadith Abi Bakr radiallahu anhu. Il est arrivé, le Nabi alayhi sallam était dans le recours. Il s'est incliné avant d'arriver au rang. Et pendant son recours, il a continué à marcher jusqu'au rang. Il a continué à marcher jusqu'au rang. Donc le Nabi alayhi sallam ne lui a pas dit de recommencer cette raka'a ou de recommencer cette salat. Cette raka'a est valide. Juste, il lui a dit, ne viens pas en retard la prochaine fois. Sois attaché à venir à l'heure. Comme vous savez, il y a un immense mérite à faire takbir adul ihram avec l'imam. Et salaf, il voyait que celui qui arrive après takbirat l'ihram, même s'il loupe pas une seule raka'a, il voyait qu'il n'y a pas de bien en lui. Yani, ça c'est rapporté de Sufyan Thawri, de beaucoup de savants. Salaf, il donnait énormément d'importance à faire takbirat l'ihram avec l'imam. À faire takbirat l'ihram avec l'imam. Et ça, c'est un bien immense. C'est pour ça que tu vas trouver énormément de difficulté à pratiquer cette adoration, qui est toujours d'être toujours derrière l'imam au moment où il dit Allahu Akbar. Dès qu'il la termine, toi tu commences Allahu Akbar. Et pour cela, ce qui peut te faciliter ça, c'est le nawafil, le rawatib. Le rawatib. Il est rapporté de Saïd ibn al-Musayyib que pendant 40 ans, il n'a jamais vu quelqu'un devant lui dans salat. Il n'était pas imam, mais il était toujours derrière l'imam, yani dans le premier rang. Et que un tel parmi salaf, il n'y a jamais eu l'adhan sans qu'il soit à l'intérieur de la mosquée. À l'intérieur. Avant l'adhan, il arrive à la mosquée. Quand l'adhan est levé, lui, il est déjà dans la mosquée. Tout ça par attachement à ne pas louper takbirat al-ihram. Le quatrième pilier, al-ruku', l'inclinaison. Comme vous savez, une rak'a est comptabilisée quand on fait ruku' avec l'imam. Celui qui loupe ruku', il arrive à la salat alors que l'imam est levé de ruku' ou est en train de se lever de ruku', il a loupé cette rak'a. Il doit la rattraper après salam de l'imam. Et comment on rejoint l'imam yani dans le ruku', comment rak'a est comptabilisé? Les savants disent c'est que tu t'inclines et que tu arrives à la position d'inclinaison complètement alors que l'imam est encore incliné. Mais si tu commences à t'incliner et lui commence à se lever, tu as loupé le ruku'. Ou au moment où tu arrives au ruku', lui il se lève. T'as loupé le ruku' également. Faut que t'arrives complètement dans la position inclinée et lui, il est encore incliné. Ne serait-ce qu'un petit laps de temps. Donc, il faut que t'aies en commun avec l'imam, ne serait-ce qu'un laps de temps dans cette même position de ruku'. Et lui, il est dans ruku' et toi, t'es dans ruku'. Et quand est-ce que toi, ton ruku', il commence? Il commence quand tu arrives complètement à la position. Quand chaque os arrive à sa place. Et quand ton dos est droit, et ainsi de suite. Le cinquième pilier, al-i'tidalu min al-ruku'. Al-i'tidalu min al-ruku'. Yani le fait de se relever de ruku'. Le fait de se relever de ruku' et d'être yani dans la position debout à nouveau. D'être dans la position debout à nouveau. C'est pour ça il n'est pas suffisant que tu te lèves de ruku' et à peine t'arrives, comme tu vois certaines personnes, surtout les personnes âgées, font yani ils se lèvent de ruku'. Il n'est même pas encore arrivé à la position debout. Il commence à sujoud. Il a loupé un pilier de la salat. Car parmi les piliers de la salat, quand tu fais ruku', tu te relèves jusqu'à arriver à la station debout. Et que chaque membre reprend sa place. Comme quand tu étais debout avant ruku'. Et d'observer yani, un moment de repos dans cette station avant de commencer ce sujoud. C'est ce qu'on appelle tomanina, la quiétude. Amma, yani, avant d'arriver à la station debout, là, à peine il commence ce sujoud, il a loupé un pilier de la salat. Il a loupé un pilier de la salat. Et ça, c'est l'erreur qu'a vu le Nabi alayhi sallam chez cet homme à qui il a ordonné de recommencer sa salat car il n'a pas prié. Sa salat était valide. Donc, vous constatez qu'ici, il a été considéré le fait d'arriver à la station debout, l'i'tidal min al-ruku', suite à l'inclinaison, comme un pilier. Il y a dans des madahib, ils considèrent le fait de se relever de ruku' comme un pilier, et l'i'tidal comme un autre pilier, deux piliers. Ici, ça a été considéré comme un seul, se relever et arriver à la station debout. Le sixième pilier, السجود على الأعضاء السبعة. C'est la prosternation sur les sept membres. Les sept membres, Nabi alayhi salam a mis sa main sur son front et son nez. Il a dit, ça c'est un. Le front, al-jabha, avec le nez, faut que ton nez touche le sol avec ton front, en même temps. Ça, c'est un seul membre parmi les sept membres sur lesquels tu dois faire la prosternation, et ça, c'est un pilier dans le madhhab al-hanbali. Dans les autres madhhab, c'est considéré comme une obligation. c'est considéré comme une obligation. Mais dans le madhab, le Hanbali, c'est un pilier. Donc, c'est quelque chose de très important. Là, qui est l'avis le plus juste, Wallahu a'lam, c'est que c'est une obligation et non pas un pilier. La prosternation sur les sept membres. Yani, ça c'est un avis spécifique au madhab Hanbali. Mais ça nous montre l'importance de la prosternation sur les sept membres. Les sept membres, mes frères, j'ai dit le front et le nez. Un. Les mains. Deux. Yani, les paumes des mains. Les genoux. Les deux mains, c'est deux membres. Les deux genoux, c'est deux membres. Donc ça fait cinq. Et les doigts des pieds. Les doigts des pieds. Deux pieds, ça fait sept. Donc les deux mains, les deux genoux, les deux orteils du pied. Ça fait sept. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est une erreur, surtout au niveau des orteils. C'est une erreur que tu constates, même chez certains frères salafiyin. Yani, quand il est dans le sujoud, il peut lever ses pieds du sol. Il ne touche pas le sol. Dans le madhab al-Hanbali, ça invalide la salat. Mais c'est pas une condition que ça touche le pied depuis le début de la position jusqu'à la fin. Yani, même un instant où tu touches le sol, pour eux, t'as validé ce pilier. Yani, même si ça touche un instant, t'as validé le pilier. Donc, il faut que ton front, ton nez, les paumes des mains, les genoux et les orteils, les sept, il faut qu'ils touchent le sol pendant, yani, as-sujoud, pendant la prosternation. Et par rapport à ça, il y a un hadith qui est rapporté dans les deux authentiques. Nabi alayhi salam leur a ordonné de se prosterner sur les sept. Il leur a dit, il m'a été ordonné, c'est-à-dire Allah lui a ordonné de se prosterner sur les sept membres. Et il les a cités comme je vous ai dit. Il a dit, et de ne pas plier les vêtements ni les cheveux. De ne pas plier les vêtements, ni les cheveux. Yani, car tout se prosterne pour Allah dans ce salat. Même tes vêtements. C'est pour ça, il faut pas que tu fasses des plis dans tes vêtements. Yani, si t'as plié les vêtements pour travailler ou le shahaja, faut les défaire dans la salat. Que ce soit au niveau des manches ou des pantalons, les choses comme ça. Le septième pilier, al-raf'u minh, le fait de se relever de la prosternation. Le fait de se relever de la prosternation. Donc, comme on a dit dans al-ruku', c'est un pilier de se relever de la prosternation. Donc, il se relève, il s'assoit avec quiétude et sérénité et il se relève de as-sujoud. Donc ça, c'est al-rukn as-sabi', la prosternation sur les sept membres. Et ensuite, il se relève. Il se relève. Et comme on va voir, faut observer la quiétude dans tous les actes, dans chaque pilier. Dans chaque pilier, il faut avoir la quiétude at-tuma'nina dans tous les piliers. C'est pour ça qu'ils disent at-tuma'nina fi kulli al-arkan. Fi kulli al-arkan. Le huitième pilier qu'il a cité, rahimahullah, al-jalsatu bayna as-sajdatayn. L'assise entre les deux prosternations. C'est l'assise dans laquelle il fait l'invocation. Il dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ou autre chose qui est rapportée authentiquement. Et ça, on va le voir quand on parlera des obligations de la salat et de ses sunan. Le neuvième pilier de la salat, at-tuma'ninatu fi jami'i al-af'al. At-tuma'ninatu fi jami'i al-af'al. Et ça, c'est plus précis que de dire at-tuma'ninatu fi jami'i al-arkan. La quiétude dans tous les piliers, car il y a des piliers où c'est des paroles, des formules. Donc la quiétude, elle est liée aux actes. La quiétude dans tous les actes. Dans tous les actes, dans tous les piliers. Les actes, dans chaque pilier. Taïb. Donc ça, c'est comme le Nabi alayhi sallam a enseigné à cet homme qui a fait sa salat d'une manière erronée. Le Nabi alayhi sallam, à trois reprises, il lui demande de recommencer la salat jusqu'à ce que cet homme a dit par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais faire que cette salat. Alors enseigne-moi. Et ça, c'est une méthodologie dans l'enseignement. C'est que tu ne donnes pas l'information à la personne directement. Tu la laisses venir chercher cette information. Et ainsi, elle va s'ancrer dans sa mémoire. Et elle va la retenir, contrairement à ce que tu lui donnes d'une manière facile. Donc cet homme, Nabi Aslam, ne lui a pas enseigné dès la première erreur. Il lui a dit, viens, c'est comme ça, salat. Non. Il lui a dit, recommence et prie. Et ensuite, il lui a enseigné la salat correcte. Il lui a dit, quand tu te lèves dans ta salat, dis Allahu Akbar. Ensuite, récite ce que tu peux de le Coran. D'une manière obligatoire, le Fatiha. Et recommander ce que tu peux. Et ensuite, il lui a dit, ensuite, incline-toi. Jusqu'à ce qu'ait été la quiétude en étant dans la position d'inclinaison. Et ensuite, relève-toi jusqu'à ce que tu arrives à la station debout. Et ensuite, prosterne-toi et aie la quiétude dans ta prosternation. Et ensuite, relève-toi jusqu'à ce que tu aies la quiétude dans ta position assise. Donc relève-toi et assis-toi et aie la quiétude dans cette position assise. Et fais de même dans toute sa salat. Donc Nabi alayhi sallam lui a enseigné comment faire le raka'a. Il lui a dit fais de même pour le reste. Donc ça, c'est la quiétude. La quiétude, les hommes de science disent que la quiétude, elle s'obtient, le minimum de la quiétude, c'est de rester dans cette position le temps dans lequel tu pourras citer les invocations légiférées d'une manière obligatoire. Par exemple, dans le recours, dans ce qu'on va étudier ici, et dans le madhab al-hambali, c'est que c'est une obligation de dire « Subhana Rabbil Azim » une fois. Et le reste est sunna. Donc, la quiétude dans le ruku', c'est en arrivant à la position de ruku' complètement et de dire Subhana Rabbil Azim. Ce temps-là est suffisant pour vérifier la quiétude. Et tu pourras dire de même pour tous les autres piliers. C'est-à-dire le temps minimum qu'il te faut une fois arrivé à la position pour dire les invocations légiférées dans ce pilier d'une manière obligatoire. Et pour ceux qui ne voient pas, par exemple, comme dans le madhab al-Maliki, ils ne voient pas que Subhana Rabbil Azim est une obligation. Elle est chez eux dans Sunan. Donc pour eux, la quiétude, elle est vérifiée en arrivant à la position de ruku' complètement jusqu'à ce que chaque membre prend sa place dans cette position, et ça suffit. Yani, il n'exige pas le temps dans lequel tu vas dire Subhana Rabbil Azim. Du moment que tu arrives à la position et que chaque membre, chaque os prend sa place, à ce moment-là, la quiétude est vérifiée. Ça, c'est par rapport au neuvième pilier de la salat, qui est la quiétude. Le dixième, At-tartibu bayna al-arkan. Le respect de l'ordre entre les piliers. comme ça a été rapporté dans la prière du prophète, alayhi salatu wassalam. Faut respecter cet ordre qu'on vient de voir dans hadith al-musi' salatihi, qui est rapporté dans les deux authentiques. Donc, Nabi alayhi salam, il lui a enseigné l'ordre. Il lui a fait, tu commences par ça, et ensuite ça, et ensuite ça. Donc, cet ordre, il faut le respecter, et son respect est un pilier de la salat. C'est-à-dire que celui qui ne respecte pas l'ordre, et qui fait sujoud avant al-ruku', yani, sa salat est invalide. Sa salat est invalide. Le 11e pilier, at-tashahhud al-akhir, le dernier tashahhud. Donc, on dit le dernier tashahhud pour les salawat dans lesquels il y a deux tashahhud. Le deuxième tashahhud, c'est le dernier. Mais pour les salawat dans lesquels il y a un seul tashahhud, comme salat subh, alors le pilier, c'est le dernier tashahhud. C'est pour ça que c'est mieux de dire le dernier que de dire le deuxième. Car il y a des salawat dans lesquels il n'y a pas un deuxième. Le dernier tashahhud est un pilier de la salat. Est un pilier de la salat. Et ce qui est dit dans ce tashahhud, Cheikh a réservé une leçon à son enseignement. Donc on va en parler plus en détail dans cette leçon-là. Inch'Allah ta'ala. Donc le dernier tashahhud, c'est un pilier de la salat, contrairement au premier tashahhud. Dans salat al-dhuhr, le premier tashahhud, c'est pas un pilier, c'est une obligation. C'est pour ça, si tu l'oublies, une fois debout, il est interdit de revenir au tashahhud et de le faire. Si c'était un pilier, tu serais revenu obligatoirement. Mais comme c'est une obligation, une fois que tu la passes, si tu te rappelles que tu n'as pas fait tashahhud, avant d'arriver à la position debout, tu commences à remonter, tu te rappelles, tu redescends, naam. Lakin, une fois que tu arrives à la position debout, tu te rappelles que tu n'as pas fait tashahhud, le premier, tu reviens pas et c'est interdit de revenir. Et si tu as la science et tu sais que c'est interdit de revenir et tu reviens quand même, ça invalide ta salat. Salat devient batila. Donc le premier tashahhud, c'est une obligation. Il se compense avec ce sujoud sahou. Contrairement au deuxième, qui est un pilier. Tu dois le faire de toute façon. Et le 12e pilier, al-julousoulah, l'assise pour le dernier tashahhud. Le dernier tashahhud, tu peux pas le faire en étant debout. Tu dois le faire en étant assis. Cette position assise est également un pilier de la salat. Le 13e pilier, as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. As-salat sur le prophète alayhi sallatu wa sallam, c'est un pilier dans la salat chez beaucoup d'hommes de science. Et chez d'autres savants, c'est pas un pilier. C'est une obligation. Et dans al-madhhab al-maliki, yani dans le madhhab al-maliki, de toute façon, il faut savoir qu'ils n'ont pas les obligations. Le madhhab al-maliki, ils ont al-furud, fara'id al-salati, ashara. Ils ont les al-furud, yani c'est l'équivalent de l'obligation. Lakin, c'est plus fort que l'obligation. Ça se rapproche du pilier. Donc, ils les appellent furud. Et dans le furud, ils vont citer les piliers. Et ensuite, ils ont directement les sunan de la salat. Ils n'ont pas quelque chose qui s'appelle al-wajibat. Ils ont al-fara'id à la place des piliers, ensuite les sunan, et ensuite ils ont les choses méritoires dans la salat. C'est ce qui va correspondre pour nous. Sunan, c'est ce qui va correspondre à peu près aux obligations. Et les choses méritoires dans la salat, c'est ce qui va correspondre chez nous, dans ce qu'on va étudier, à les sunan. C'est les choses méritoires dans la salat. طيب. Donc le fait, yani salat sur le Nabi alayhi salatu wasalam, ici, elle a été citée comme un pilier dans la salat. Et ça, c'est l'avis de beaucoup de savants. Mais beaucoup de savants également voient que la salat sur le prophète alayhi salatu wasalam n'est pas un pilier dans la salat, mais c'est une obligation. Comme le fait de dire Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, tout ça, pour eux, c'est yani, des obligations et pas des piliers dans la salat. Le quatorzième pilier, le dernier qu'il a cité, At-Taslimatan, les deux taslimat, les deux salutations. At-Taslim, comme j'ai dit précédemment dans le hadith, Nabi Aslam a dit, تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التسليم, c'est la chose avec laquelle tu termines ta salat. C'est le dernier pilier de ta salat. Et dans le madhab al-Hanbali, les deux taslimat, ce sont des piliers. Mais la plupart des savants voient que la première taslima est un pilier et la deuxième est une sunna seulement et non pas un pilier. Le pilier, c'est uniquement la première. La première que tu fais vers la droite et la deuxième que tu fais vers la gauche. La première est un pilier, la deuxième est une sunna, mais l'avis dans le madhab al-Hanbali, c'est que les deux taslimat sont des piliers de la salat. Sont des piliers de la salat. Mais ce qui est juste, c'est que la deuxième taslima n'est pas un pilier de la salat. Pourquoi? Parce que le Nabi alayhi salam, il a été rapporté de lui d'une manière authentique qu'il a fait une seule taslima. Il a fait une seule taslima. Donc la deuxième n'est pas un pilier. La deuxième est une sunna. Et d'ailleurs, taslim, il a été rapporté du prophète alayhi salam, comme dit l'imam al-Albani dans Sifat Salat, de quatre façons. La première, de dire Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à droite. Assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche. La deuxième, Assalamu alaykum wa rahmatullah à droite. Assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche. Le troisième, Assalamu alaykum wa rahmatullah à droite. Assalamu alaykum à gauche. Et le dernier, Nabi Aslam, il disait Assalamu alaykum à droite. Il tournait légèrement sa tête vers la droite, contrairement aux trois autres où il tournait complètement vers la droite et complètement vers la gauche. Dans cette quatrième façon de faire, il tournait légèrement sa tête vers la droite. Il disait Assalamu alaykum. Donc la quatrième, il la faisait de temps en temps, et les trois autres, il les faisait souvent. Donc c'est pour ça sunna. C'est de varier. Une fois tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaykum wa rahmatullah, et ainsi de suite. Donc sunna, c'est de varier entre tout ce qui a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas de mal, de temps en temps, tu dis Assalamu alaykum seulement. Voilà pour aujourd'hui, pour les piliers de la salat. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, et de nous accorder la sincérité et la véracité dans les paroles et les actes, et nous aider à réformer notre apparence comme notre intérieur. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.